Chapitre 7. Une certaine transparence flottait sur la lande, permettant encore de distinguer les objets, les côtes, les villages au loin, mais en leur donnant des formes moins précises, commençant à effacer la netteté des contours avant de les ensevelir définitivement sous le nivellement uniforme de la nuit. Le dos tourné au sémaphore, dont la blancheur crayeuse s'aplatissait contre terre, Hervé resta quelques instants immobile, essoufflé de la montée rapide qu'il venait de faire en quittant la salle verte. Ses yeux fouillèrent inquiets autour de lui, comme s'il eût espéré apercevoir Marie-Annick. À sa droite, la lamentation infinie de la mer traînait, tout en bas, venant mourir en lames longues et régulières, dont il voyait la frange d'écume se dérouler sur la plage sablonneuse du Vérillac. Au-delà, une côte élevée projetant des promontoires aigus, la pointe de la Tavelle, la pointe de Dinan avec son curieux rocher à jour, surnommé le château de Dinan. Plus loin, le cap de la Chèvre, fermant le nord de la baie de Douarnenez, et, comme une ombre mince, à l'horizon sud, courant ainsi qu'une muraille brumeuse, une côte qui s'abattait brusquement, la pointe du Rat, continuée par des îlots, des rocs, Thévenec, l'île de Saint, l'Armène. À gauche, le rugissement de l'Atlantique fouillant implacablement le granit, l'immensité des taches d'ombre très loin dans le couchant, les pierres noires, Béniguet, la pointe Saint-Mathieu fin de terre. Plus près, la plage de Penhat, deviné plutôt que visible, le semis des écueils indiqué par des remous, des baves blanches de la vague, le grand et le petit Mundufa, le grand et le petit Léac, le corbeau, la louve, le toulinguet, monstrueuse roche semblable à un vieux château crénelé planté devant la plage, et la pointe de Toulinguet. Tout cela, sans qu'il s'en rendît compte, entrait en lui, pénétrait dans ses pores, comme pour le reprendre, le rattacher à cette terre natale dont il avait été si longtemps séparé qu'il n'en avait gardé qu'un souvenir fugitif et impalpable. Il lui semblait tout voir avec des yeux nouveaux, ses yeux d'enfant. Cette espèce d'indécision, de gaz trouble jeté sur les choses par l'approche de la nuit, lui rendait la sensation éprouvée là-bas, loin du pays, lorsqu'il cherchait parfois à reconstituer les paysages et les côtes de Bretagne. La mélancolie d'automne qui pesait sur le pays avait quelque chose de morne, le gagnant insensiblement, apaisant l'effervescence de son sang troublé par les mauvais sentiments, les appétits malsains. Ce qu'il contemplait maintenant, c'était ce qui s'étendait devant lui, ces champs dont la couleur, verte par places, jaunie en d'autres, se noyait dans les colorations bleues du crépuscule naissant, ces toits de maison sortant d'un bouquet d'arbres au fond d'un vallon, Saint-Julien, Lanurien, au long de la route, Pentir, Lagatiar, sur les collines, Cosquer, tout au fond, Crozon, son église et son fort. Des taches noires, vertes, grises, des étendues désertes s'étalaient, des moulins à vent tendaient leurs bras minces, de tout s'élevait un charme doux, venant le saisir, l'émouvoir. Il fit plusieurs enjambées rapides pour secouer cet attendrissement qui lui paraissait une faiblesse et haussa avec affectation les épaules en marmottant ricaneur. « Qu'est-ce qui me prend ?» Il s'efforçait de ramener son attention sur Marie-Annick, sur ce qu'il venait de surprendre de son observatoire de la salle verte, s'en voulant de s'être sottement caché, de l'avoir évité au lieu de chercher à la rencontrer. « Où diable est-elle passée ?» grogna-t-il en sondant de nouveau les alentours de ses prunelles aiguës. Une envie de la retrouver, d'avoir avec elle une explication décisive, là, dans cette solitude de la lande, fermentait en lui comme une liqueur de feu, incendiant son cerveau. Il ne voyait rien, se trompant à des objets que la tombée du jour dénaturait, leur donnant des figurations d'êtres animés, effis, acharnés. Elle ne peut être loin, cependant. Ses pieds foulèrent plus rapidement le sol, écrasant les bruyères, les genêts, les ajoncs mêlés aux ronces, aux rudes mousses glissantes, aux fleurs roses pâles des églantiers sauvages. Mais un parfum vague, d'une exquise délicatesse, montait de tous ces végétaux, arôme dégagé par le broiement brutal des tiges minces, des feuilles tendres, des calices odorants, et c'était comme une grisante caresse tentant de l'envelopper, de l'engourdir, les effluves aimées de la terre d'origine. Il apercevait les premières maisons de la Gatiard, le pauvre village situé le long de la route, à peu près à mi-chemin entre la pointe de Penhir et Camaret, quand il lui sembla qu'une forme vague glissait à travers la lande. Il s'arrêta net, le cœur battant à gros coups sourds dans sa poitrine, les tempes serrées, et se dit « C'est elle ». Les ténèbres s'épaississant, on distinguait de moins en moins. Pourtant, il ne s'était pas trompé. Quelque chose avait remué dans le voisinage du menhir qui se dresse à la hauteur du village, au milieu des blocs informes qui attestent encore qu'un important alignement druidique a existé en ce lieu. « Ah ça, que fait-elle donc ? » interrogea-t-il. En effet, une femme allait et venait, se baissant, se relevant, tournant autour de ces pierres grises, debout ou couchées, qui parsèment le sol. Elle paraissait si légère, si inconsistante, qu'il se frotta les yeux, se demandant s'il ne rêvait pas et s'il ne prenait pas une imagination pour une réalité. S'il n'avait pas eu si forte en lui la pensée de rencontrer sa cousine, il eût éprouvé quelque superstitieuse émotion. Mais pour lui, ce ne pouvait être que Marianic, et il reprit sa marche, cherchant à amortir le bruit de ses pas afin de ne pas l'effrayer. Au fur et à mesure qu'il avançait, elle lui semblait plus mince, plus petite que la fille de Pierre Guivarc. Puis, elle ne se dirigeait pas vers Camaret, paraissant se tenir obstinément dans le voisinage de ces maudits cailloux, autour desquels les contes bretons font rôder la nuit des personnages malfaisants. Sa vie d'aventure l'avait aguerri, lui avait lavé le cerveau de toutes ses croyances. Il ne céda pas à l'instinctif recul qui paralysait ses reins, au poids de plomb qui lui tombait dans les jambes pour l'arrêter, et, chassant d'un rire nerveux les nains, les korriganes, les fées qui tentaient de hanter encore son esprit, continua d'aller. Maintenant la forme paraissait se dissimuler derrière la pierre levée, qui la masquait complètement. Hervé s'arrêta, attendant sa réapparition. Mais au moment où, impatienté, mécontent de lui, il se préparait à appeler, à se faire reconnaître, un murmure sembla sourdre derrière lui, venant de terre. Il se retourna et vit la femme à genoux, les mains jetées tantôt à droite, tantôt à gauche, bourdonnant d'incompréhensibles paroles. C'était Yvonne. Il s'approcha d'elle, décontenancée. « Que fais-tu là, petite sœur ?» Elle leva la tête, chercha une seconde, paraissant écouter, puis fit, étonnée. « sa voix est près de moi, tout près. Elle m'accompagne, elle vole dans l'air. » Allait-elle le reconnaître ? Était-ce une éclaircie dans le brouillard épais de ce pauvre cerveau ? Hervé, subitement attendri, intéressé, oublia sa méchante humeur. Il se pencha sur elle, lui prit la tête entre ses mains, rapprochant son visage du sien à le toucher. « Tu me reconnais, Yvonne. Je suis Hervé, ton frère, ton petit frère, Jean-Marie Hervé. » La tendresse de l'enfant se coulait dans sa voix, apaisait les troubles farouches de son âme. Il lui semblait redevenir le petit enfant d'autrefois, sans vice, sans haine, celui que l'on citait comme l'un des meilleurs sujets du pays. Chose étrange, il lui suffisait de se trouver seul avec l'innocente pour subir aussitôt cette impression, pour se transformer à son simple contact et voir s'envoler, se dissiper toutes les fumées nauséabondes qui lui empoisonnaient le cœur. En ce moment, Corentin, Marianic, l'accès de rage de l'instant précédent, la vapeur d'ivresse qui le jetait à un acte de folie, tout disparaissait, s'effaçait, et, au fond de lui, un être nouveau semblait naître, plein de tendresse. Une affectueuse inquiétude, quelque chose d'un dévouement de mère le faisant s'incliner au-dessus de la jeune fille, toujours agenouillée, ses mains pleines de brindilles, de bruyères, d'églantines. Il répéta, tremblant d'espoir, « Jean-Marie Hervé !» Elle répondit, le timbre de sa voix baissant encore, devenant grave comme le tintement d'une cloche funèbre, « Péri en mer !» Guivarc détourna la tête, profondément émue. Non, elle ne le reconnaissait pas encore, et cette seconde d'espérance après avoir traversé son cœur, le fuyait de nouveau, le rejetant aux amères pensées. Yvonne reprit comme si l'inscription de la croix blanche fût gravée en elle. « Le 13 octobre 1867, priez pour lui. C'est pour le repos de son âme, parce que, vois-tu, son corps n'est pas en terre sainte. Alors il faut des fleurs, beaucoup de fleurs, toujours des fleurs. Mais cela fatigue d'en cueillir. » Le jeune homme, des larmes dans les yeux, proposa. « Veux-tu que je t'aide ?» Elle accepta joyeuse après l'avoir regardée. « Toi ? Oh oui, cela ira plus vite, beaucoup plus vite. Tu peux tout ce que tu veux, toi. » Toujours cette vision du héros Alain le Renard devant ses yeux d'innocente, car ses paroles du bardi glissaient chantantes sur sa bouche. Le renard barbu glapit, glapit, glapit au bois. Malheur aux lapins étrangers, ses yeux sont de lames tranchantes. Côte à côte, ils allaient, cherchant, à travers la nuit qui augmentait, les humbles fleurettes de la lande. Une abondante moisson parfumée emplit le tablier, dont Yvonne avait relevé les deux coins inférieurs pour enfermer ses fleurs. Une griserie douce leur montait au cerveau, et tous deux, dans cette solitude, au milieu des ténèbres, semblaient un couple d'amoureux attardés à la promenade et regagnant leur logis en devisant gaiement. Hervé se laissait conduire, ne retrouvant plus sa route dans l'obscurité. Un grincement de brouette gémit à quelque distance. Yvonne lui posa sa main sur le bras, la voix toute changée. « Écoute, écoute, c'est pour Louise Trevenek, Carigal en a un coup. »« La brouette de la mort, » fit-il. Un frémissement instinctif courut sous sa peau, en même temps qu'il revoyait Yves Dagorne assommé de douleur, qu'il entendait encore son cri de détresse sauvage. « Ma femme !» La vieille superstition bretonne lui revint à l'esprit, celle qui prétend que toutes les fois qu'un malade est près d'expirer, on entend le roulement mystérieux d'une roue et qu'on voit la brouette de la mort, cachée sous un drap blanc et conduite par des squelettes. Puis il secoua le frisson funèbre, songeant, plus sceptique, à cause du voisinage des maisons, un voisin qui rentre ses filets, sans doute. Il s'étonnait de retrouver si vivace chez la pauvre enfant tous ces vieux mythes de la terre bretonne qui disparaissent peu à peu et ne retrouvent encore quelque vigueur, quelque autorité que dans certains villages isolés et perdus, loin de toute communication avec la civilisation. Il s'étonnait surtout d'en subir si facilement la troublante contagion. Quand ils arrivèrent chez le maître de port, Hervé n'était plus le même. Ce fut sans colère qu'il revit Marianic. Ce fut presque en riant qu'il prit place à la table commune. Il semblait que la seule influence d'Yvonne eût suffi à effacer de son cœur tout le vin de jalousie, à refouler toute cette boue qui, brusquement remuée par ses passions, remontait de son passé inconnu, de son passé d'aventurier. C'était ainsi en lui des changements continuels, une mobilité incessante semblable à celle de la mer, un jour huileuse et douce, le lendemain houleuse et méchante.